Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Alors, il a été beaucoup question de climat dans les médias dernièrement, on vient même d'en parler, et dans l'ombre de la COP20, mais il faut savoir qu'il y a un autre sommet international qui se tenait à Washington du 1er au 3 décembre sur un tout autre sujet. Et au cœur de ce sommet international, la question, doit-on ou non permettre des modifications génétiques sur les humains, plus particulièrement sur des embryons? En effet, une nouvelle technologie bien réelle, alors je ne sais pas exactement comment on doit la prononcer, je vais le dire CRISPR-Cas, on pourrait bien plonger l'humain dans notre nouvelle ère. Et notre chroniqueur 100% chimique, Jean-Daniel Doucet, nous résume les enjeux. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Tout d'abord, là, en fait, donc les gens, les auditeurs te connaissent, le chroniqueur 100% chimique. Oui. C'est un peu c'est un retour, mais presque un au revoir, parce qu'on va pas te revoir prochainement. Mais par contre, les auditeurs vont pouvoir te voir ailleurs. Oui, donc c'est un retour, mais un au revoir, oui, donc pour saluer les gens de dernière fois. Donc, je suis maintenant animateur scientifique d'une émission de télé qui s'appelle Top Science, qui va être diffusée dès le 3 janvier prochain à 17h sur les ondes de la chaîne UniTV. Alors, on invite les gens à écouter ça. Un défi entre deux familles qui doivent trouver moyen de résoudre un défi technologique. De très ludique, absolument, de divertissant. Oui, ouais, c'est ça. Donc maintenant qu'on t'a branché, oui, on va revenir sur notre sujet. Donc, le sommet de Washington sur les modifications génétiques a réuni, sans trop faire de bruit, des scientifiques, mais aussi des historiens, des éthiciens, des juristes, et puis de partout dans le monde. Oui, vraiment beaucoup de monde, hein, Valérie. Plus de 400 scientifiques provenant de 6 continents se sont réunis à l'initiative conjointe de prestigieux organismes américains, britanniques et chinois. Et d'ailleurs, la Chine est au cœur d'une véritable révolution en génétique et ça inquiète bien des gens. Et alors, au cœur de la controverse, donc, il y a un nouvel outil. Donc, tout à l'heure, tu vas le prononcer mieux que moi parce que je ne sais pas comment ça se prononce. CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, voilà. CRISPR-Cas9 en français. C'est pas mal non plus. CRISPR-Cas9. Donc, qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est un nouvel outil de modification génétique ou d'édition génétique, si on veut. Et c'est très, très puissant. Ça a été développé en 2012 par deux groupes de scientifiques. Alors, d'un côté, on a Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, deux femmes quand même, ce qui est plutôt rare dans le domaine des technologies. Deux femmes qui ont développé cette technologie-là à Berkeley. Et c'est les premières à avoir publié sur le sujet. De l'autre côté, on a aussi le professeur Feng Zhang de la Broad Institute, qui est lui le premier à avoir breveté la méthode. Et là, la paternité de la découverte est encore sujette à débat. Et pour cause, parce que la technique permet de modifier génétiquement facilement et à faible coût des organismes vivants. Certains, dont le prix Nobel David Baltimore, l'instigateur de la réunion à Washington, vont jusqu'à dire qu'on s'apprête à entrer dans une nouvelle ère pour l'être humain. Donc voilà la découverte, mais en fond, ça consiste en quoi, CRISPR-Cas9? Oui, bien à la base, c'est un mécanisme de défense qu'on a découvert chez des bactéries, notamment grâce aux travaux de l'équipe du professeur Sylvain Moineau, ici à l'Université Laval, oui. Et le système CRISPR, à la base, ça permet aux bactéries de garder en mémoire l'information génétique qui provient de virus ennemis. Donc, si on considère le code génétique comme un livre, ben CRISPR-Cas9, c'est une sorte de paire de ciseaux qui reconnaît sur commande une page bien précise du livre, puis qui va l'arracher ou la changer pour une autre page. Donc, on peut en garder en mémoire, en archive, une page comme ça, qui va nous rappeler le virus pour pouvoir le combattre plus tard. Sauf que si ça marche pour des bactéries, ben alors pourquoi pas chez les humains? Donc aujourd'hui, il y a des scientifiques qui utilisent de façon routinière ce système-là pour modifier les cellules de tous les principaux animaux de laboratoire. Ouais, ça semble aller assez vite. Et quelles sont les possibilités qu'ouvre cette nouvelle technologie? C'est vraiment énorme. On peut penser à guérir des maladies génétiques, par exemple en corrigeant le gène mutant de la dystrophie musculaire, entre autres, ou encore à modifier génétiquement des organes animaux pour en faciliter la transplantation chez les humains. Ça va même jusqu'à améliorer les productions agricoles avec des plantes OGM produites plus facilement. Et tout ça, c'est pas de la science-fiction, là. À titre d'exemple, dans la dernière année, il y a des chercheurs chinois qui ont modifié génétiquement un beagle pour créer un super Snoopy nommé Hercule. Alors, dans ce cas-là, une seule modification génétique a permis au chien sympathique de doubler sa masse musculaire. Peut-être un peu moins sympathique. Peut-être un peu moins sympathique, un peu plus épeurant à ce moment-là, c'est sûr. Mais plus sérieusement, il y a des chercheurs au Great Ormond Street Hospital à Londres qui ont sauvé cet automne Layla, qui est une petite fille atteinte de la leucémie, une petite fille d'un an. L'arme secrète dans ce cas-là, c'est un commando de globules blancs modifiés génétiquement. Une sorte de bataillon qui est formé pour attaquer le cancer grâce aux informations génétiques fournies par CRISPR-Cas9. Donc, c'est un premier succès pour ce type de thérapie-là, dite d'édition génétique. Alors, tant qu'on modifie que quelques globules blancs, ben, ça va. Mais si on modifie directement l'embryon, ben là, il y a des problèmes éthiques qui sont soulevés. Alors, en avril dernier, il y a des chercheurs de l'université Sun Yat-sen à Guangzhou, en Chine, qui ont publié le premier article sur des embryons humains génétiquement modifiés, mais non viables. Donc, la précision est quand même importante ici. L'équipe a utilisé le système CRISPR-Cas9 pour modifier génétiquement le gène de la bêta-globine. Ça, c'est la page du code génétique qui fait défaut chez les patients qui sont atteints d'une rare maladie du sang, la thalassémie. Donc, ça laisse beaucoup d'espoir pour ces patients-là, mais ça soulève aussi beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, les embryons ont vu d'autres de leurs gènes, en plus de la bêta-globine, être modifiés. Donc, on règle peut-être un problème pour en créer d'autres, un autre, exactement. Donc, ce qui a surpris, ça a surpris hein, les chercheurs de l'étude, selon ce que rapportait le magazine The Scientist, les chercheurs croient évidemment que la technologie est encore trop immature pour aller plus loin sur de vrais embryons. Par contre, selon le même magazine spécialisé, des chercheurs ont déjà trouvé des moyens d'en diminuer les modifications génétiques non spécifiques. Donc, on voit que guérir des maladies génétiques à la source, c'est une bonne idée, c'est bien. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Où est-ce qu'on va tracer la limite? Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à la correction de toutes sortes de petits défauts génétiques qui seraient pas vraiment importants, qui sont pas délétères? Et est-ce que ça ouvre pas non plus la porte à la commande de bébés à la carte? Mais oui, c'est un point que soulève le rapport du Sommet international sur l'édition ou la modification génétique. Le rapport appuie la recherche sur la méthode CRISPR-Cas9, mais seulement si elle n'affecte pas un seul individu à la fois et non pas toute sa descendance. Ah oui. Donc, par exemple, pour corriger une maladie génétique grave comme la thalassémie ou la dystrophie musculaire, ça va en autant qu'on ne peut pas passer les modifications génétiques à ses enfants. Parce qu'il serait absolument, selon les chercheurs, irresponsable pour eux de poursuivre sur la modification de cellules germinales. Donc, on parle là de sperme, d'ovule ou d'embryon. Il n'est pas question pour le moment de transmettre les modifications génétiques à la descendance avant de s'assurer de l'efficacité et de la sécurité de la méthode et aussi d'avoir un consensus social sur le sujet. Ouais, donc on voit que c'est pas gagné et les pressions vont mais les pressions pour aller de l'avant sur ce sujet doivent être grandes à la fois de la part de patients et puis des entreprises qui veulent offrir ce service. Il y a toujours un business qui se fait autour de ça. Oui, donc qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est une excellente question. En fait, l'UNESCO considère l'édition génétique d'embryons comme un abus des droits humains, donc ça en dit déjà assez long. Et d'ailleurs, il y a plus de 40 pays qui interdisent les modifications génétiques d'embryons, dont le Canada, avec le Canada's Assisted Human Reproduction Act, qui était passé en 2004, quand même, ça fait quelques années. En Chine, c'est aussi interdit, mais la loi n'a pas de pouvoir exécutoire. Alors qu'aux États-Unis, les recherches sur les modifications génétiques d'embryons sont plus financées par les fonds gouvernementaux, mais il n'y a pas de loi qui interdit les modifications génétiques. Donc, même si les chercheurs ne sont pas financés par le gouvernement, ils pourraient quand même procéder à des modifications génétiques d'embryons. D'autant plus qu'il y a du financement qui vient du privé, surtout s'il y a des entreprises privées qui sont intéressées Exactement. Par le marché. Donc, on peut théoriquement toujours faire des modifications génétiques d'embryons un peu partout dans le monde. Oui, et pas juste en laboratoire, hein, dans des laboratoires de classe mondiale même. CRISPR-Cas9, c'est une méthode si simple que des scientifiques de garage, et là, à ce point-là, littéralement de garage, se mettent de la partie. Il y a un projet de trousse CRISPR pour la maison qui a recueilli plus de 300% de son financement participatif sur Indiegogo. Alors vraiment, c'est ouais, inquiétant. Ouais, ben ça veut aussi dire que la technologie devrait être mieux encadrée. Absolument. Et donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la technologie CRISPR-Cas9 dans les prochaines années? Mais selon le prix Nobel David Baltimore, une fois que la technologie sera au point, on va devoir collectivement décider si on veut utiliser ou non cette technologie-là. Pour certains, comme George Daly de la Harvard Medical School, ben c'est inévitable. La technologie CRISPR-Cas9 sera, et l'est déjà d'ailleurs, ouais, utilisée en traitement de maladies génétiques. Alors, pour ce qui est des modifications génétiques pouvant se transmettre à la descendance, ben là, il y a tout un spectre d'acceptabilité, selon M. Daly. On peut penser au traitement d'enfants atteints de dystrophie musculaire, dont l'espérance de vie est très, très courte. Donc, on veut peut-être essayer de rallonger leur vie, mais la ligne devra être très, très claire. Toujours est-il que, en marge du Congrès de Washington, un rapport va être produit pour guider les réflexions. Dans leur rapport préliminaire, les quatre organismes co-organisateurs du sommet encouragent la poursuite des recherches sur CRISPR-Cas9, mais recommandent d'éviter pour le moment les modifications d'embryons destinées à une grossesse, évidemment. Mm-hmm. Donc, j'imagine que la discussion va se poursuivre. Oui, absolument. Mm. Merci beaucoup, Jean-Daniel, de nous avoir éclairé sur cette technologie CRISPR-Cas9, donc une technologie potentiellement révolutionnaire. Merci, absolument. Jean-Daniel. Merci, Valérie.